franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire des paillotes. Dans la nuit du 19 au 20 avril 1999, en Corse, un petit restaurant installé sur la plage devient la proie des flammes. Dès le lendemain, l'enquête de la gendarmerie s'oriente rapidement vers la piste criminelle. Nombreux sont ceux qui penchent alors pour un règlement de compte, comme il en survient régulièrement sur l'île. Mais très vite, un faisceau d'indices et un tissu de preuves accablantes viennent balayer ce scénario tout tracé. Sur place, en effet, tout près de ce qui reste de la paillote, les gendarmes découvrent avec stupéfaction des éléments qui les amènent à accuser d'autres gendarmes. Auditionnés puis placés en garde à vue, les militaires commencent par nier toute implication. Puis ils finissent par avouer qu'ils ont participé cette nuit-là à une mission, disons, spéciale. L'affaire des paillotes devient alors un scandale national, d'autant plus qu'on apprend, grâce au témoignage d'un autre gendarme, que c'est le préfet de Corse en personne, Bernard Bonnet, qui aurait commandité l'opération. Autant dire qu'à Paris, le gouvernement de Lionel Jospin se retrouve en position très compliquée, car tout préfet représente l'État, son autorité, sa probité. Et en Corse, bien sûr, chacun cherche à savoir qui est responsable de ce fiasco et surtout pourquoi des militaires ont incendié une paillote, une action absurde et politiquement suicidaire. C'est dans ce contexte explosif que le juge d'instruction Patrice Cambérou, notre invité aujourd'hui, a mené l'enquête. Avec nous également en studio, le journaliste François Potier, spécialiste des affaires criminelles. Nos deux invités sont les auteurs d'une BD qui revient sur cette affaire. Intitulée « Sous le feu Corse, l'enquête du juge des paillotes », cette bande dessinée sort demain aux éditions Futuropolis. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, lecture Philippe Pirard, à la technique aujourd'hui Ronan Mahé. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Palais de l'Antivie, Ajaccio, siège de la préfecture de Corse, nous sommes à la fin du mois de février 1999. Ce soir-là, une épaisse brume recouvre le ciel dans le sud de l'île. Au premier étage du bâtiment, malgré l'heure tardive, on distingue quelques lumières encore allumées. Derrière les vitres, assis à son bureau, le préfet Bernard Bonnet est au travail. À côté de lui, trônent plusieurs piles de dossiers qu'il doit encore feuilleter avant de terminer sa journée. Voilà tout juste un an que le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, l'a intronisé préfet ici même en Corse, successeur de Claude Irignac, assassiné de 3 balles en pleine rue à Ajaccio. Face à un parterre de journalistes et de caméras, Bernard Bonnet est devenu le nouveau visage de l'État en Corse, l'homme sur lequel compte le gouvernement pour rétablir la loi et l'ordre sur l'île. D'ailleurs, à l'occasion de son premier discours, le jeune préfet de 49 ans avait marqué les esprits. Lui, l'ancien inspecteur des impôts, l'ancien diplômé de l'ENA, lui, l'homme à la brillante carrière de préfet de région, et bien cet homme-là et son profil de haut commis de l'administration prônaient déjà le retour à la fermeté et la fin des compromis, et surtout des compromissions. En coulisses, le contrat qui le lie au ministère de l'Intérieur est simple. On lui donne carte blanche et d'importants moyens. En échange, il doit obtenir des résultats au plus vite. Lutte contre la corruption, le nationalisme combattant et parfois terroriste, lutte contre la mafia ou encore contre le plasticage de villas, les combats et les défis ne manquent pas. Bonnet choisit la gendarmerie pour mener ses opérations main propre. Quelques semaines après sa nomination, le 1er juin, on crée à cet effet un escadron d'élite baptisé Groupement de Pelotons de Sécurité, GPS pour les intimes et pour tous ceux qui veulent être guidés sur la route de la paix en Corse. Fort de 95 gendarmes triés sur le volet, il a pour mission ce GPS, le maintien de l'ordre, les opérations de renseignement, les interventions discrètes, la lutte antiterroriste et bien sûr, la traque des assassins du préfet Rignac. À la préfecture de Corse, tous connaissent son leitmotiv qui tient en 3 mots, clarté, justice, continuité. Dans sa lutte contre le crime organisé et sa dimension financière, Bernard Bonnet lance une multitude d'enquêtes et s'en prend directement au portefeuille des délinquants. Face aux journalistes, il fustige le comportement des nationalistes, coupables selon lui de corruption et d'escroquerie en bande organisée. Présent autant que possible sur la scène médiatique, Bernard Bonnet adopte une attitude et des propos que certains jugent même incompatibles avec la réserve de sa fonction. Oui, comme ici, au sein même de l'Assemblée territoriale, où une violente passe d'armes l'oppose au député Paul Castana, membre du parti nationaliste Corsica Nazionale. Alors nous n'avons qu'une seule question à vous poser, monsieur le préfet. Elle ne s'adresse pas à l'homme, bien entendu. Elle s'adresse aux représentants de l'État. Quand comptez-vous partir ? Monsieur le préfet, vous ne pouvez pas répondre à cette question. C'est l'histoire qui y répondra. Permettez-nous de nous retirer. Monsieur le préfet, là, vous m'avez posé une question très précise. Permettez-moi de vous y répondre le plus précisément possible. Vous m'avez demandé quand je partirai. Eh bien, je vais vous le dire. Je partirai quand vos amis cesseront de racket. Je partirai quand vos amis cesseront d'assassiner dans les fêtes de village. Je partirai quand vos amis cesseront de déposer des explosifs. Comme ça, c'est clair. Un an après sa prise de fonction, le préfet Bonnet apparaît comme le chevalier blanc de l'état de droit en Corse. Arrive alors sur son bureau un dossier non résolu par son prédécesseur, celui de l'urbanisme illégal. Grâce aux missions de renseignement des gendarmes du GPS, Bonnet découvre que les paillotes, ces petits restaurants de plage, aménagés parfois directement sur le sable, sont pour la plupart propriétés de nationalistes corses. Construites illégalement, certaines d'entre elles serviraient à blanchir de l'argent ou à financer des actions criminelles. Le préfet entend donc les démanteler une à une. Sauf que la loi lui impose d'obtenir une décision du tribunal administratif pour chaque démolition. Décision qui prenne du temps. Or, du temps, le préfet Bonnet en manque. Car à Paris, au ministère de l'Intérieur, on lui demande d'obtenir des résultats immédiats. Le dossier des paillotes devient donc son cheval de bataille, celui sur lequel il ne veut rien céder, celui sur lequel il veut aller vite. Le 9 avril 1999, la justice donne son feu vert pour la destruction de deux paillotes sur la plage d'Argent à Ajaccio. Bernard Bonnet donne l'ordre aux hommes du génie militaire d'agir et de détruire les deux établissements. Mais une fois sur place, les militaires font face à une foule importante de paillotiers et de nationalistes qui leur barrent la route. L'un d'eux, Émile Carta, propriétaire d'une paillote, s'explique face à la caméra de France 3. On m'a demandé de déposer un permis. J'ai fait donc intervenir des architectes qui m'ont fait un projet. J'ai payé un permis de construire qu'on m'a refusé en disant que le poste de côté n'est pas terminé, ce qui est vrai aussi, mais qu'il trouverait un accord dans les mois à venir. Parce que le poste de côté, je pense que dans 4-5 mois, il va être terminé. Bien, sur ces entrefaites, il y a eu donc cette déclaration de M. Bonnet en disant qu'il nous laissait faire encore une saison et puis qu'après, au mois de novembre, ça serait terminé. L'ancien ministre de la Défense, François Léotard, qui passe ses vacances en Corse, vient même apporter son soutien aux militants. Après plusieurs heures de négociations, face à une foule que les gendarmes ne maîtrisent pas, le préfet Bonnet, contraint et forcé, fait marche arrière. Il rappelle les tractopelles du génie, les militaires repartent, les paillotes restent debout. Pour le préfet Bonnet, garant de l'autorité de l'État sur l'île, la pilule est dure à avaler. Le contexte autour des paillotes, on l'aura compris, est donc extrêmement tendu en ce printemps 1999. Et c'est dans ce cadre très particulier que va survenir l'épisode de l'incendie de la paillote chez Francis. Mardi 20 avril 1999, il est 2h30 du matin. Un appel anonyme signale aux pompiers de la brigade Propriano un départ de feu sur la plage de Caladorzu, à 20 km sur la rive sud du golfe d'Ajaccio. Lorsqu'ils arrivent sur place, les pompiers constatent qu'une paillote est en feu, effectivement. Selon des témoins, l'incendie s'est déclaré un peu plus tôt, subitement, c'est souvent le cas, et les flammes ont atteint un peu plus de 30 mètres par endroit. À 4h30, une fois le feu maîtrisé, le chef de brigade prévient la gendarmerie. Les militaires inspectent alors les décombres de cette paillote que les riverains et les habitués connaissent sous le nom de chez Francis. Le lendemain matin, son propriétaire, Yves Ferraud, un personnage bien connu en Corse pour sa proximité avec les milieux nationalistes, témoigne sur France Inter. L'homme est encore sous le choc et il pointe les différents éléments suspects retrouvés par les gendarmes. Je me lève à 2h du matin et je vois l'établissement toujours entier. À 2h30, j'entends une voiture klaxonner devant la maison. De suite, j'ai dit, il y a un problème. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu mon établissement en feu. Je suis descendu, mais même s'il y aurait eu les pompiers sur place, n'aurait pas pu l'éteindre. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur place ? J'ai trouvé des tracts, première des choses. Il y avait quoi sur ces tracts ? Eh bien, ferro balance de flics. Et je vous promets, je serais plutôt l'inverse qu'aller balancer aux flics. J'ai trouvé une boîte d'allumettes avec un sac de charbon qui brûlait. Un gendarme de la gendarmerie de Pétrozelle a suivi les traces et il a trouvé les jerrycans enterrés dans le sable, sur une petite plage à une cinquantaine de mètres de l'établissement. Des allumettes, un sac de charbon, des jerrycans d'essence, pour les gendarmes, il ne fait aucun doute que l'incendie est d'origine criminelle. Et puis il y a ce mot, ferro balance les flics. Alors oui, très vite, les regards se tournent vers la piste d'un règlement de compte entre nationalistes. Le scénario apparaît d'autant plus crédible qu'il y a 7 ans, déjà, on avait tenté d'incendier cette même paillote. Alors qu'ils progressent dans leurs investigations sur la plage de Caladorzou, dans le périmètre de la paillote calcinée, les gendarmes découvrent plusieurs indices extrêmement troublants qui viennent remettre en cause l'hypothèse de base. Dans la végétation, les militaires mettent d'abord la main sur une cagoule. Brûlée au niveau de la bouche, elle sent encore le roussi. S'agit-il d'un accessoire utilisé par le ou les responsables de l'incendie ? Plus étonnant encore, ils découvrent ensuite, posé sur le sol, un poignard de 28 cm, une arme de guerre qu'utilisent en temps normal les commandos de l'armée. S'agit-il là encore d'un indice oublié par les criminels ? Enfin, et c'est là le plus surprenant, quelques mètres plus loin dans le sable, un gendarme ramasse une radio Alcatel du même type que celle qui est en service dans la gendarmerie. Toujours en fonctionnement, l'appareil est réglé sur la fréquence G162-014. Après vérification, il se trouve que c'est le canal réservé à l'unité du groupement de pelotons de sécurité, le fameux GPS. Dans son procès verbal, le chef de la section de recherche de la gendarmerie, le commandant Gotab, en conclut, je le cite, que les traces et indices relevés en abondance tendent manifestement à orienter l'enquête vers une grossière action commando. Bien. Mais qu'en est-il de l'implication ou non des hommes du peloton GPS ? Pour répondre à cette question, les enquêteurs cherchent à savoir si oui ou non des gendarmes appartenant à ce corps d'élite étaient bien en mission cette nuit-là à proximité de la paillote chez Francis. Leur hiérarchie donne les noms des 3 gendarmes membres du GPS qui étaient de service. Et là, première surprise, l'un de ces 3 hommes, le capitaine du peloton, n'est plus en Corse, volatilisé. Ce n'est qu'en milieu d'après-midi qu'on retrouve enfin sa trace, à 600 km de la Corse, au service des grands brûlés de l'hôpital Rangueil à Toulouse. Oui, on le soigne là pour des brûlures à la main et au visage. Tiens donc. De son côté, le colonel Henri Mazère, plus haut gradé sur l'île, est convoqué par sa hiérarchie pour s'expliquer. En ressort une version officielle pour le moins surprenante. Selon la version officielle, 3 hommes du groupement de protection et de surveillance, unité d'élite de la gendarmerie installée dans l'île cet automne, effectuaient une mission de surveillance. Le restaurant se serait embrasé violemment après une explosion, semble-t-il, et le capitaine aurait été brûlé à la main. Les gendarmes d'élite auraient, selon le chef de la Légion de gendarmerie de Corse, je cite, « été dépassés par les événements et auraient pris la fuite terrifiés, abandonnant une partie de leur matériel sur place, persuadés d'être tombés dans une embuscade ». Fin de citation. La gendarmerie nationale a diligenté une inspection technique pour couper court à toute rumeur de coups tordus. On ne peut cependant manquer de s'interroger sur les raisons d'une mission de surveillance dans un endroit désert et très difficile d'accès en pleine nuit. On s'inquiète également de la réaction de terreur de ces hommes d'élite de la gendarmerie nationale. Ajaccio, Sandrine Sierrecchi, Radio Corse Frequenza Mora pour France Inter. En l'espace de quelques jours, l'affaire de l'incendie de la paillote chez Francis passe du statut de simple fait divers local à celui de scandale qui éclabousse la gendarmerie et, avec elle, l'État. Si à ce moment précis, on ne sait toujours pas quelles sont les responsabilités exactes des hommes du GPS, le simple fait que des gendarmes, garants de l'autorité républicaine, puissent être soupçonnés d'avoir participé à une opération clandestine, provoque un profond malaise dans l'opinion publique. De son côté, le juge d'instruction, Patrice Cambérou, en charge du dossier, auditionne le colonel Mazère. Face au magistrat, le gendarme reste sur la défensive et affirme que ces hommes n'ont rien fait d'illégal et qu'ils étaient ce soir-là en mission de surveillance. Interrogée à son tour par le juge, la femme de l'un des trois gendarmes du GPS révèle pourtant que le soir de l'incendie, son mari lui a dit avoir participé, contraint, à une opération secrète. Sur la base de ces éléments, et pour éviter tout maquillage de preuves et de collusion entre les témoignages, Patrice Cambérou décide de placer les trois gendarmes du peloton GPS en détention provisoire, ainsi que le colonel Henri Mazère. Le soir même, à l'heure du journal de 20h de France 2, le présentateur Claude Sérillon lâche cette petite phrase qui traduit le climat pesant autour de l'affaire. Il dit « En Corse, depuis plus d'un an, tout était basé sur le rétablissement de l'état de droit. Désormais, il s'agit surtout du droit de savoir. » Quelques heures plus tard, Bernard Bonnet arrive par avion à Paris. Le préfet de Corse est convoqué en urgence au ministère de l'Intérieur et à Matignon. Face aux journalistes, il se déclare tout simplement abasourdi par cette affaire des paillotes. Quel est votre avis là-dessus, sur cette affaire ? Je suis à la fois triste et abasourdi. Pourquoi abasourdi ? Abasourdi, parce que c'est une affaire qui est vraiment stupéfiante. Dans la presse, le député socialiste Michel Charras avance la thèse d'un possible traquenard tendu par les nationalistes, un piège dans lequel seraient tombés les gendarmes du GPS. Donc, il sera incompétent. On fait mieux comme défense. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, renouvelle sa confiance au préfet Bonnet ainsi qu'à la gendarmerie. Toujours est-il que le vendredi 30 avril, 10 jours après l'incendie, le flou règne toujours sur les responsabilités dans cette affaire. De leur côté, les gendarmes interrogent toujours d'autres gendarmes et le spectre d'une opération douteuse venue de plus haut plane désormais au-dessus de la Corse. Il reste ce soir beaucoup de points d'interrogation autour de l'attentat du 19 avril sur la plage d'Aquadoria, en Corse. A priori, un attentat classique, on avait mis le feu à un restaurant, une paillote, on pensait à un règlement de compte. Mais on a appris depuis que cette nuit-là, trois gendarmes appartenant au groupe de peloton de sécurité, un corps d'élite de la gendarmerie nationale, étaient sur place. Et on se demande toujours ce soir ce qu'ils faisaient à cet endroit-là et pourquoi ils ne sont pas intervenus. La hiérarchie militaire a juré aujourd'hui que ça n'était pas, je cite, un coup tordu. Mais à l'heure où nous parlons, deux des trois gendarmes sont en garde à vue, ainsi que le commandant de la gendarmerie de Corse. Et du côté du palais de justice, on murmure qu'ils ne sont peut-être pas étrangers à l'attentat. Lundi 3 mai 1999, Au palais de justice d'Ajaccio, le juge d'instruction Patrice Cambérou en est convaincu. Les trois gendarmes du peloton GPS et leur supérieur, le colonel Mazère, lui cachent une partie de la vérité. Oui, mais quoi exactement? Ou plutôt, qui cache quoi? Se présente alors, dans son bureau, un homme qui s'apprête à faire des révélations fracassantes. Cet individu d'une quarantaine d'années n'est autre que le chef d'état-major de la Légion de gendarmerie en Corse. Le lieutenant-colonel Bertrand Cavalier, c'est son nom, fut pendant longtemps l'homme de confiance du préfet Bonnet avant d'être mis à l'écart il y a quelques mois de cela. Face au juge, il livre une toute autre version de l'histoire. Dans mes souvenirs, tout commence aux environs du 22 mars 1999, soit un peu moins de 3 semaines avant l'incendie. Ce jour-là, j'ai un contact avec le capitaine du peloton GPS, dont je trouve le comportement curieux. Le lendemain ou le surlendemain, je rencontre le colonel Mazère dans son bureau. Ce dernier me fait part du projet qu'il veut confier à des cadres du GPS d'aller incendier quelques paillotes. À l'écoute de ses propos, il va sans dire que je suis profondément déstabilisé. Et très rapidement, je lui dis que je m'oppose à ce projet. Stupéfait, le juge Cambérou laisse le gendarme poursuivre son récit. Il va alors, et à sa plus grande surprise, découvrir le nom de celui qui pourrait bien être le cerveau de cette affaire. Contrarié de ma réaction, le colonel Mazère m'explique par la suite que le préfet Bonnet est lui-même impliqué dans ce projet. Je décide donc un après-midi, de ma propre initiative, sans préavis, de me rendre à la préfecture pour rencontrer le préfet. Connaissant Madame Bonnet, je sonne à l'appartement du préfet, celle-ci m'ouvre, je lui demande si le préfet est là et je fais irruption dans son bureau. L'entretien dure 2 minutes et est particulièrement vigoureux. J'exprime solennellement avec la plus grande fermeté mon opposition à tout projet d'incendie de la sorte. Le préfet semble ébranlé. Les accusations du lieutenant-colonel Cavalier sont graves, évidemment. Interrogé à son tour, le capitaine du peloton GPS confirme au juge que c'est bien le colonel Mazère qui est à l'origine de la mission. Et il ajoute que le préfet Bonnet était personnellement au courant de l'opération Paillotte. Après ces déclarations, le juge Cambérou perquisitionne la préfecture de Corse le soir même et place le préfet Bernard Bonnet en garde à vue. À 22h, ce lundi 3 mai 1999, la plus haute autorité de l'État sur l'île et le plus haut commandant de la gendarmerie dorment sous bonne garde dans la caserne Battesti. Dans toute l'histoire de la Ve République, l'épisode est inédit. Dehors, devant les grilles, une foule compacte se rassemble et les critiques sont dures. Ce qui est pas bien, c'est qu'il a fait ça avec arrogance. Et ça, ici, on supporte pas trop l'arrogance. C'est une bonne chose parce que s'il y a vraiment une justice en France, qui que ce soit, que ça monte jusqu'au Premier ministre, il faut tous les arrêter. Parce qu'il y en a assez des magouilles. Hein. Je suis nationaliste depuis 30 ans. Je connais les pratiques de la France. Les barbouzes, tout le monde connaît. En Corse aussi, ça existe. Si ça avait été des policiers, on aurait pu être surpris. Mais vu que c'est des gendarmes, non, la logique même veut que les ordres viennent d'en haut. Au moins du préfet, au moins. On attend la suite. Alors que la nuit tombe sur Ajaccio et sur la Corse, certains journalistes s'interrogent. L'affaire va-t-elle remonter encore plus haut et incriminer d'autres responsables politiques? Le lendemain, nombreux sont les éditorialistes qui qualifient l'incendie de la paillotte chez Francis de Rainbow Paillotte, en référence au scandale de l'opération manquée des agents de la DGSE contre le navire de Greenpeace en rade d'Auckland au mois de juillet 85. Car désormais, il ne fait aucun doute que c'est une opération scabreuse menée par des gendarmes qui est à l'origine de cet acte criminel. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre Lionel Jospin et son gouvernement sont violemment attaqués lors des questions au gouvernement. Ce à quoi Jean-Pierre Chevènement répond. S'agissant des propos que vous colportez, monsieur le député, imputant au monde l'expression « repère de malfrats » à propos de la préfecture, je vous ferai rentrer ces mots dans votre gorge. Parce que vous croyez pouvoir vous abriter derrière le journal Le Monde, mais en réalité vous citez le bâtonnier Solacaro, qui est de notoriété publique, un militant nationaliste, sur lequel je pourrais vous apprendre beaucoup de choses. J'ai reçu ce matin, par Chronopost, une lettre du préfet Bonnet. Je vais vous lire 2 phrases de cette lettre manuscrite. Je vous confirme solennellement les propos que j'ai tenus dans votre bureau le 27 avril dernier. J'affirme sur l'honneur que j'ignorais que des gendarmes, du GPS ou d'autres unités, étaient en mission de l'année du 18 au 20 avril 1999 à Coty-Chiavari. De son côté, Lionel Jospin dément l'existence d'un quelconque cabinet noir. Le Premier ministre réfute également les accusations sur une quelconque instruction transmise au préfet Bonnet par un représentant de l'autorité publique nationale avant l'incendie ou après. Tout ça pour le couvrir, bien sûr. Sur les bancs de l'opposition, on demande le vote d'une motion de censure. Cette arme qu'on sort pour le principe et qui ne fonctionne jamais. Même pas mal pour le gouvernement Jospin, d'un point de vue institutionnel, certes, mais politiquement et moralement, ça fait désordre. Mercredi 5 mai 1999. Depuis 36 heures, la France a les yeux braqués sur Ajaccio. Le préfet de Corse et son directeur de cabinet sont toujours en garde à vue à la gendarmerie. Au même moment, le lieutenant-colonel Bertrand Cavalier se présente de nouveau au palais de justice pour, dit-il, compléter son premier témoignage. Face au juge Cambérou, le militaire fait une nouvelle fois des révélations fracassantes. Il affirme que le colonel Mazère, le chef de la gendarmerie sur l'île, lui a confié quelques semaines avant l'épisode de la paillote chez Francis qu'il avait déjà tenté de procéder lui-même en compagnie du directeur de cabinet du préfet Gérard Pardini à l'incendie d'une autre paillote au nord d'Ajaccio, mais sans y parvenir. Les gendarmes de la section de recherche interrogent à leur tour Gérard Pardini, le bras droit du préfet Bonnet. Celui-ci craque et avoue que c'est la pression extrême exercée par Bernard Bonnet qui les ont conduits avec le colonel Mazère à passer à l'action. Il confirme les dires du lieutenant-colonel Cavalier, explique que son rôle dans l'affaire de la paillote chez Francis se limitait à imprimer les faux tracts sur lesquels on pouvait lire « Ferraud balance les flics », cela même qu'on retrouvera sur la scène du délit et qui devait faire croire à un règlement de compte entre nationalistes. Dans la foulée, le colonel de Mazère passe lui aussi aux aveux et explique face aux enquêteurs que c'est bien le GPS qui a mis le feu à la paillote selon les instructions que lui, Mazère, a données. Et il ajoute « J'assume entièrement mon acte ». Résumons. Ce n'est plus un, mais ce sont désormais trois témoignages qui soupçonnent le préfet Bonnet d'être l'instigateur de cet incendie criminel. Le juge Cambérou décide donc de passer au stade suivant de son instruction. Il convoque le préfet et le met en examen. Face à la tournure inédite que prennent les événements, l'ancien ministre de l'Intérieur, natif de Corse, Charles Pasqua, demande la démission immédiate du gouvernement. La garde à vue d'un préfet est un événement sans précédent dans l'histoire de la République. Au travers de cette affaire, c'est tout l'État républicain qui est atteint et qui vacille. Le Premier ministre, responsable de la fonction publique, doit en tirer les conséquences et présenter la démission de son gouvernement au président de la République, garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics. Ainsi l'exige la morale et l'esprit républicain que garantissent les institutions de la Ve République. Au palais de justice de Paris, on confronte alors dans la même pièce le préfet Bonnet, son adjoint Gérard Pardini, le commandant en chef de la gendarmerie de Corse, le colonel Henri Mazère, et le capitaine du peloton GPS. Pardini et Mazère renouvellent leurs accusations. Les échanges sont vifs. Et à chaque fois, Bernard Bonnet dément toute implication ou toute directive. Dans cette affaire, il n'a qu'une seule chose à dire. Je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas l'instigateur, je suis la victime. Pour lui, toute cette histoire est liée à une défaillance au sein même de la gendarmerie. C'est pas moi, c'est eux. Pendant plusieurs semaines, les auditions se poursuivent sur le même ton. Personne ne revient sur ses déclarations. Puis, Bernard Bonnet se mure dans le silence et se retrouve entre quatre murs à la prison de la Santé. Il y restera 2 mois. Et lorsqu'il ressort, face aux caméras qui l'attendent, il adopte une nouvelle stratégie et se dit victime d'un complot judiciaire cette fois. Mettons, si je puis dire, de l'huile sur le feu. J'affirme avoir été victime d'un complot judiciaire, ou pour être plus précis, d'un attentat judiciaire corse commis en bande organisée. Les auteurs de cet attentat ont volé 2 mois de ma vie. « Bernard Bonnet continue de faire des apparitions à la télé, sans même un livre dans lequel il affirme que sa mise en détention est le résultat d'un hallucinant dérapage des magistrats corses. De son côté, son avocat promet dans les semaines qui viennent de nouveaux coups de théâtre et de nombreuses révélations sur les implications dans cette affaire. On les attend toujours. Pour le juge Cambérou, l'heure est donc à la clôture de l'instruction. Après une longue réflexion et au vu des charges et des témoignages dans ce dossier, il signe l'ordonnance de renvoi devant le tribunal des personnes mises en cause, dont l'ex-préfet Bonnet. Bon an, mal an, le procès de l'affaire dite des Payottes s'ouvre au tribunal correctionnel d'Ajaccio au début de l'année 2001, moins de 2 ans après les faits. Dans le box des accusés, tous les regards se tournent vers Bernard Bonnet. Pour les juges, le préfet est bien l'instigateur de l'incendie de la Payotte chez Francis. Au début de l'année 2002, le verdict tombe. L'ancien préfet écope de 3 ans de prison, dont un ferme. Gérard Pardini, son ancien adjoint, et le colonel de gendarmerie Henri Mazère de 30 mois, dont 6 fermes chacun. Bernard Bonnet se pourvoit en appel et demande que Lionel Jospin soit appelé à témoigner sur son rôle dans l'affaire. Il n'obtient pas gain de cause et la cour confirme le premier jugement. Le dernier acte se déroulera devant la Cour de cassation, le 13 octobre 2014, où une fois de plus, les peines contre l'ancien préfet Bonnet et le colonel Mazère sont confirmées. Fin du film. Oh, de l'histoire. Vrai. À l'époque des faits, une blague circulait en Corse, comme sur le continent. À un fumeur ayant perdu son briquet, il était indiqué de demander au premier gendarme croisé s'il n'avait pas des allumettes. Pour peu élégante et peu respectueuse que fût la blague, elle en a dit long sur le sentiment généré par cette affaire. Un mélange d'amusement pour le rocambolesque et d'indignation face à l'État insulté par l'un de ses serviteurs et au bout du compte, ridiculisé. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. L'affaire des Payottes en Corse, pour laquelle l'arrêt de la Cour de cassation qui a confirmé les peines a été rendu le 13 octobre 2004, il me semble vous avoir dit 2014, c'est donc bien 2004. Et mes invités, opinent du chef, et mes invités, je vous les présente, je vous rappelle qui est avec nous aujourd'hui pour parler de cette affaire des Payottes en Corse, le juge Patrice Cambérou, bonjour. Bonjour. Vous avez été cité plusieurs fois, évidemment, dans ce récit, puisque vous avez instruit instruit l'affaire. Et à vos côtés, le journaliste François Potier. Bonjour. Bonjour Fabrice. Fait diversier, on peut dire. Hein. Absolument, fait diversier. Bon. Et alors tous les deux, vous êtes les auteurs d'une bande dessinée illustrée par Daniel Blancoux, dans laquelle vous revenez sur le volet judiciaire de toute cette affaire. Ça s'appelle Sous le feu corse, l'enquête du juge des paillotes. Ça sort demain aux éditions Futuropolis. Et ça sort bien demain. Exactement. Bon, quelle idée, quelle mouche vous a piqué avec d'ailleurs, je trouve pas mal d'inspiration d'écrire une BD. C'est amusant, c'est original, on va dire, de traiter un fait divers par une BD. Surtout, bon, un journaliste, pourquoi pas, mais un juge, monsieur le juge. Alors, je ne suis plus juge aujourd'hui puisque je suis passé au parquet peu de temps après cette affaire en 2002. Vous êtes à la Réunion, je suis resté, c'est ça ? Voilà, je suis substitut général à la Réunion. Quelques années après l'affaire, j'ai eu envie de réfléchir à ce qui s'était passé, parce que c'était quand même une affaire atypique et complexe, qui n'avait pas été sans effet sur mes fonctions, hein, puisque j'avais dû me plonger tout de suite dans une affaire très très compliquée. On ne parlait que de ça à l'époque, hein. On ne parlait que de ça en Corse, j'imagine, et sur le continent en tout cas. C'est vrai. Et puis, j'ai rencontré, au travers de mon travail de substitut à l'époque, un journaliste, François Potier, et qui a réussi à me convaincre à accoucher d'un témoignage. Alors, sous quelle forme, au début, nous pensions, donc on est quelques années après, on est en 2003, témoigner sous la forme d'un entretien, un écrit, où je livrais mes impressions. Et puis, nous n'étions pas satisfaits, ni François ni moi, de cette forme-là. Et un jour, je suis devenu procureur à Angoulême. Angoulême, la BD, la BD. Et nous avions pas mal d'événements autour de la bande dessinée, et en particulier autour de la bande dessinée et de la justice, la représentation de la justice en bande dessinée, avec le président à l'époque, Michael Janas, qui est président de Grasse aujourd'hui, et nous étions lancés dans une aventure qui était une exposition professionnelle sur la BD. Et pendant l'exposition, eh bien, j'ai appelé François en lui disant, mais écoute, peut-être que le format de ce témoignage, ça pourrait être la bande dessinée. Tu es journaliste, investigation, et moi je te livre mes impressions. Et ce qui n'est d'ailleurs pas contre nature, puisque vu que les procès en France ne sont pas filmés, on arrive à savoir ce qui se dit par des comptes rendus écrits et par des dessins. Hein. Donc le dessin et la justice, c'est un compagnonnage naturel, François Potier. Oui, absolument, c'est finalement assez historique, le dessin et la justice, oui. Assez liés, effectivement. Et c'est vrai que, alors, ce qui nous intéressait aussi beaucoup dans cette idée de la bande dessinée, c'est qu'aujourd'hui, la bande dessinée, aujourd'hui, ça fait un petit moment déjà, mais la bande dessinée peut vraiment être un support pour des affaires sérieuses, réelles, authentiques, donc pas forcément de la fiction. Et Futuropolis, qui est d'ailleurs assez spécialisé dans ce genre de bouquins, nous a accueillis à bras ouverts pour ce projet, parce que c'est vrai que c'est un côté hyper dynamique, hyper réel. Les visages sont authentiques. La Corse en plus nous offre un cadre, des paysages assez majestueux, ce qui permet aussi d'embellir le bouquin de la bande dessinée graphiquement. Donc c'est vrai que c'était la parfaite bonne idée de Patrice quand il était procureur à Angoulême, pour qu'on puisse aller sur ce type de bouquin. Messieurs, tout ce qui est dit dans les bulles, hein, de la bande, j'imagine que rien n'est apocryphe, tout a été dit, tout est cité, les sources sont réelles. Je dis ça parce que la fiction vient toujours mettre son grain de sel dans la réalité, comme si elle manquait d'imagination. La réalité, elle en a, elle. Alors, la bande dessinée sort demain, mais je peux vous révéler la page 3, c'est que c'est un avertissement à nos lecteurs, ouais. Qui garantit que l'intégralité des personnages et des contenus sont absolument réels, effectivement. Les auditions qu'on voit quand Patrice Cambérou est dans son cabinet, en audition avec les mises en cause, se sont tirées des propos tirés des auditions in extenso, précisément, à la virgule près. Et les visages, les auteurs et tous les personnages sont absolument réels, absolument. Patrice Cambérou, vous aviez 30 ans, je crois, à l'époque, quand vous instruisiez. Oui, c'est exact. C'est jeune, hein, 30 oui, ans. C'est vrai. Pour instruire une affaire avec une telle pression, parce que là, c'est l'État qui est mis en cause, je le disais, l'État a la tête à l'envers. Hein. Un préfet qui se retrouve en garde à vue, fait brûler une paillote, c'est un attentat, en fait. Alors, comment vous avez géré toute cette pression, et c'était quoi la pression, les pressions les plus fortes? Alors, c'est ce que nous essayons de décrire dans la bande dessinée. Nous invitons le lecteur à se mettre à la place du juge. Et justement, pour ressentir cette pression progressivement et sous toutes ses formes. En réalité, il y a la pression que je me mettais moi-même de bien faire, alors que je n'avais que quelques semaines à l'instruction et que trois années et demie de magistrat en poste. plus les années d'auditeur de justice, magistrat stagiaire. Et on a trouvé intéressant justement de montrer, il y a peut-être une vertu pédagogique en restant très modeste aux jeunes magistrats d'aujourd'hui, que ça peut arriver et on peut être soumis à une pression. Je n'avais pas de manuel pour expliquer, on n'explique pas ça à l'école de la magistrature, même si la formation est excellente. J'allais vous le dire, à l'ENM de Bordeaux, il faut que les étudiants lisent. Voilà, il y a des formations sur la communication, il y a des médias training, il y a beaucoup de choses, surtout adressées d'ailleurs aux procureurs. Mais pour le juge d'instruction, bien, il n'y avait pas, pour le débutant que j'étais, de manuel de comment être sous pression. Je me suis cloisonné. En réalité, c'était le dossier, rien que le dossier. L'idée, c'est ça. C'est ce qui m'a permis d'aller pas à pas. Et puis surtout, c'est d'être co-saisi, parce que vous le voyez dans la bande dessinée, je réalise tout de suite que c'est une très très grosse affaire avec beaucoup d'investigations. Un exemple, le peloton, il fallait entendre 95 personnes, vous l'avez dit. Déjà ça, une personne seule ne peut pas le faire. Donc on répartit la tâche entre les magistrats co-saisis, qui étaient Christophe Latil, qui est toujours en poste, et Jean Garry, qui malheureusement n'est plus là. Et nous travaillons à trois. Et on dilue un peu cette pression à trois, donc progressivement, très progressivement, on arrive à gérer ça dans une enquête. Vous savez, c'est ce qui arrive à tous mes collègues qui sont en charge de dossiers plus ou moins complexes. Mon histoire, enfin, se mettre à la place du juge, on aurait pu le faire avec un autre juge. La co-saisine, c'est intéressant. Vous êtes pour, alors c'est une parenthèse, on sort là de l'affaire Bonnet proprement dite, mais vous êtes pour la collégialité de l'instruction? C'est un grand débat au sein de la justice française. Bien sûr, écoutez, je vais prendre un risque. Oui, bien sûr, je suis pour la collégialité dans certaines circonstances. Il y a des affaires simples, mais en général, désormais, les dossiers d'instruction sont des dossiers assez complexes. On le voit dans les dossiers économiques et financiers, les dossiers de la GIRS aussi, les dossiers financiers en particulier à Paris. Beaucoup de co-saisines, parce qu'on a compris que la force, c'est l'équipe, y compris pour des magistrats qui sont formés à l'école de magistrature. Il faut être en équipe. L'affaire d'Outreau a été une étape pour ça, avec la mise en cause du juge Burgot pour la collégialité. Alors là, je peux parler que de ce que je connais. Vous voyez, vraiment, en tout cas pour moi, une étape importante dans ma prise de conscience, ça a été l'affaire des paillotes, parce que j'ai vu à quel point j'étais fragile si je partais seul et fort. Et vous avez vu à quel point on a réussi à instruire ensemble avec mes deux collègues en finalement peu de temps, et à tirer tous les fils de la pelote de ce dossier. Pour moi, c'est ça, la prise de conscience. Après, le reste, les autres affaires, je peux difficilement en parler. Alors, la pression, oui, bien sûr. La pression, est-ce que vous avez une pression du côté des autorités de l'État? Aucune. Bien. Non, aucune, ni judiciaire, ni de l'État. Nous avons été tous les trois sereins, en tout cas. On était concentrés sur la tâche, on le voit bien dans la bande dessinée. La pression, c'est nous qui nous la mettions pour être le plus efficace possible. Mais je n'ai jamais eu aucune pression de l'État, de ma hiérarchie. C'est bien de le dire aussi aux gens. Il y a des affaires sensibles, pour reprendre votre expression, qui sont gérées juste par les juges. Là, effectivement, c'est une preuve d'indépendance, puisqu'au bout du compte, ces gens-là sont condamnés, ils représentent l'État. Eh bien, Lionel Jospin n'est pas content, Jean-Pierre Chevènement n'est pas content, l'État n'est pas content, eh bien, tant pis. Hein, le juge peut travailler, là, pour le coup, en toute indépendance, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est pas forcément la faute des juges, c'est que les environnements sont compliqués, quelquefois, à François Potier. Oui, c'est sûr que c'est pas toujours simple, et c'est vrai que quand moi j'ai commencé, ce sont des dizaines et des dizaines d'heures d'entretien que l'on a eu avec Patrice Cambérou, et c'est vrai que cette question de la pression est revenue régulièrement, et à aucun moment on a pu effectivement, Patrice m'a pu me confier effectivement qu'il avait ressenti des pressions autres que celles qui se mettaient, et notamment par rapport à la procédure. C'était vraiment son cheval de bataille, le droit, le code, procédure, le droit. J'ai bien ça, je l'ai très bien compris. C'est vrai que c'était la pression, moi je la vois d'un autre œil. Étant journaliste, moi j'étais assez surpris de la pression médiatique, mais c'était pas forcément exercé sur le juge, c'était d'une façon générale, c'était quand même assez intense et long. Mais était-elle vraiment surprenante, cette pression médiatique? Après tout, on a une affaire qui est quand même, vous le disiez vous-même, atypique. Je la déplore pas forcément, je la constate. C'est pas surprenant. Il y a un préfet en détention provisoire, il y a la plus haute autorité de la gendarmerie de la Corse qui est en détention provisoire, et les gendarmes qui sont des gendarmes aux états de service remarquables, il faut pas l'oublier avant cette affaire. Mm-hmm. Donc, gendarme d'élite. Non, non, évidemment que il y a tout pour qu'il y ait un déchaînement médiatique à la base et faire éventuellement une bande dessinée 15 ans, 17 ans plus tard aussi. Comment vous avez géré, vous, cette pression médiatique? Légitime, hein, mais quand même, j'imagine que c'est pas forcément facile pour un juge. On le décrit et je livre mes impressions à François dans la bande dessinée sur ce point précis. Au début, en cloisonnant de façon tout à fait artificielle, en disant je ne lirai ni presse, je n'écouterai pas la radio. Bon, c'est totalement impossible. Et petit à petit, en le gérant, en discutant, bien sûr, avec mon épouse qui est magistrat. Donc en discutant, pas du dossier, mais de cette pression et comment la gérer et comment où est-ce qu'on va passer nos prochaines vacances pour essayer d'oublier tout ça. Bon, des vacances. C'est une forme de collégialité, voilà. Des juges, ça. Oui, alors sur ce point-là, oui, elle a été dans le secret, ça c'est vrai, pour les projets de décompression. Mais c'est vrai que c'était une pression importante et je n'avais pas là non plus de mode d'emploi. Parlons de l'ex-préfet Bonnet, sérieux client quand même, hein. Instruire un dossier, à qui veut répondre non, instruire un dossier, donc Patrice Cambérou d'abord et François Potier ensuite, avec un personnage pareil, ça ne va pas être facile non plus. Comment il s'est comporté, lui, pour sa défense et face au juge, comment, en tant que préfet, en tant qu'homme, et puis avec cette personnalité qu'on a décrite, hein. Il arrivait quand même en roulant un peu les mécaniques quand même, on se souvient, Bernard Bonnet. D'abord, je vais vous répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Moi, je me suis comporté avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour sa fonction et pour toutes les personnes que je rencontrais dans mon cabinet d'instruction et pas uniquement les préfets. Donc ça, c'était mon credo. Ensuite, oui, c'est quelqu'un qui est très dans la maîtrise. Et c'est normal, surtout dans cette situation-là. Donc il était dans la maîtrise et dans une forme de réflexion permanente sur chaque mot est compté. Et c'est important devant un juge d'instruction, c'est normal. Voilà, moi je n'ai pas noté autre chose. Et puis Daniel Blancou décrit bien tout ce qu'il a pu voir en tant que dessinateur. Il a pu croquer, dessiner toutes les situations, tous les personnages. On répond un peu à cette question dans la BD. François Potier. Moi, je veux pas non plus rentrer dans un jugement de valeur. On s'en est privé dans la bande dessinée. On est vraiment, l'idée, c'est étant vraiment d'être dans la peau du juge. On veut absolument pas donner d'arguments de jugement sur les gens. Il y a quand même juste un point qui est très intéressant. Moi, j'ai épluché l'intégralité du dossier et j'ai lu toutes les auditions et relu toutes les auditions. C'était mon travail préparatoire notamment. J'ai constaté la sémantique utilisée par Bernard Bonnet et je dois vous avouer qu'il fallait que je relise plusieurs fois les auditions pour bien lire entre les lignes ce qu'il y avait à lire entre les lignes. Bon, là, on va l'écouter. C'est plus facile, hein. C'est une archive qui date de 1992. Bernard Bonnet vient tout juste d'arriver en Corse, là, au titre d'adjoint à la sécurité à la préfecture. Et il décrit son rôle. Vous allez l'entendre, il insiste déjà sur la nécessité d'obtenir des résultats rapidement. Et on sait à quel point ce mot « rapidement » est important dans cette affaire. Quand on veut aller vite et trop vite, bah on dérape. Participer, motiver au niveau de la coordination le mieux possible les forces de police et de gendarmerie, dont chacun reconnaît les qualités, pour obtenir le plus rapidement possible, un certain nombre de résultats pour un certain nombre d'affaires tragiques que les uns et les autres peuvent avoir en mémoire. Messieurs, est-ce donc ce besoin d'agir rapidement qui, à votre avis, est à l'origine de l'affaire, Patrice Cambérou? Là, est-ce que vous l'avez analysé comme ça, vous ? Qu'il y ait eu un emballement et des mauvais choix, je crois que la bande dessinée rappelle l'affaire, c'est sûr. Maintenant, exactement savoir ce qui s'est passé dans la tête des uns et des autres, ça va au-delà du dossier d'instruction. Moi, Alors, je vais reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'avoir étudié le dossier d'instruction d'instruction que j'avais récupéré par plusieurs sources et que j'ai étudié en profondeur. Ça n'apparaît pas aussi clairement, la notion de rapidité. Ce qui apparaît, par contre, et ça c'est mon interprétation vraiment à moi, c'est plus l'idée d'aller au bout. Aller au bout. quel que soit éventuellement le moyen. Et n'y arrivant pas par la voie légale, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, je pense qu'à un moment, il y a eu un dérapage, mais je suis pas sûr que ce soit... Il avait d'autres dossiers hein, que celui des paillotes, le préfet Bonnet. Donc, il travaillait sur beaucoup d'autres dossiers. Je suis pas sûr que... Il s'était focalisé sur celui-là, mais je suis pas sûr que il voulait que ça aille forcément beaucoup plus vite. Enfin, je suis pas tout à fait sûr de la rapidité dont vous parlez. Patrice Cambérou, je voudrais que vous me racontiez tel que vous l'avez vécu, et j'en profite puisque vous êtes là en tant que témoin, cette audition, confrontation, où il y a dans votre bureau les protagonistes de l'affaire. C'est quoi l'ambiance? Ça a l'air vraiment, là, pour le coup, très très tendu. L'un qui se mure dans le silence, les autres qui disent non. Enfin, comment ça se passe? C'est quoi l'ambiance, l'atmosphère? D'abord, c'est la préparation hein, de ce genre d'acte d'instruction. Alors, vous dire ce qui s'est dit exactement, et je ne peux pas le faire, mais c'est vrai que c'est tendu, forcément. Il y a, c'est maintenant public, hein, on sait que certains accusent le préfet, donc forcément, il y a une frustration qui plane. Hein, voilà, c'est surtout ça, c'est un sentiment de frustration. On est pratiquement au bout de l'instruction. Avec mes collègues, on a préparé ça méticuleusement pour être sûr de n'avoir rien oublié, d'être allé au bout de nos pistes. Et nous, on est très concentrés là-dessus. Je dois dire que moi, le reste m'échappe un peu. Par contre, on sent planer quelque chose de l'ordre de la frustration. Voilà. Alors, le 12 octobre 2004, donc nous sommes à la veille du rendu de l'arrêt de la Cour de cassation, le journal Le Monde publie un article alors, qui avait été interprété comme l'aveu implicite de Bernard Bonnet. Je vous propose d'écouter l'analyse sur ce point de Christian Bidner, qui a assuré de longues années la chronique judiciaire sur France Inter. Bernard Bonnet décide aujourd'hui d'assumer l'incendie des paillotes afin, dit-il, de me réconcilier avec moi-même, avec cette éthique qui était la mienne, celle d'un préfet de la République. Il ajoute « J'ai pris la très mauvaise décision de m'enfermer dans la stratégie éprouvante de la dénégation. Je me défendais et j'ai fini par me débattre. » À la question très directe « Avez-vous donné l'ordre d'incendier les paillotes ?» Le préfet Bonnet répond aujourd'hui « Il s'agissait d'un ordre implicite, mais non formalisé. Je n'ai jamais dit au colonel Mazère « Allez incendier la paillotte ». Il a entendu un ordre que je n'ai pas le sentiment d'avoir formellement donné, mais j'assume. J'assume aujourd'hui cet acte. Il m'a fallu 2 ans pour faire ce chemin. Qu'est-ce que vous en pensez, François Potier? Je vous parlais de sémantique. Je crois que voilà, on y est. Hein. C'est-à-dire que est-ce que ce sont des aveux? Moi, je la connais très bien. Enfin, je le vois très bien cet article du Monde. Je l'ai lu et relu. C'est très intéressant et c'est à l'image déjà, encore une fois, sans porter de jugement hâtif, c'est à l'image déjà de ce que je pouvais retrouver déjà dans mon analyse moi des auditions que j'ai pu consulter. Et vous, Patrice Cambérou, quand vous entendez cette confidence? Je vous avouais quelque chose, je l'ai découvert très très longtemps après. Donc aujourd'hui, oui, j'ai un peu la même analyse que François. Oui. Vous disiez tout à l'heure, j'ai en écoutant le récit, appris certaines choses. Donc j'étais étonné parce que vous connaissez bien le dossier évidemment, mais notamment vous avez découvert l'intervention de Charles Pasqua. Qu'est-ce que ça? Oui, je me souvenais plus de ça. Oui. Bon, ça confirme qu'effectivement il y avait beaucoup de pression. Alors, que sont devenus tous ces gens-là? Et d'abord l'ex-préfet Bernard Bonnet, François Potier. Qu'est-ce qu'on sait de lui aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait après, d'ailleurs? Alors, écoutez, je vais être très honnête avec vous. Nous, on a travaillé sur l'instruction de l'affaire des paillotes. Oui, donc, moi, j'ai cherché à savoir, évidemment. Ah, voilà. J'ai pas de source recoupée. Donc, je me garderai bien de... Je sais qu'il est toujours en vie. Mmh. Je sais qu'il vit... mais j'en sais pas plus. Par contre, je sais que, malheureusement, au sein de certains des gendarmes, il y en a qui ont perdu la vie. En mission, absolument. Mmh. Et je sais que les gendarmes ont, sauf erreur de ma part, mais je pense pas me tromper, ont tous retravaillé, enfin, ont continué de travailler au sein de la gendarmerie après l'affaire. Bon, il me semble que vous avez écrit une bande dessinée, non? Vous l'avez souvent répété. Hein, dessinée par Daniel Blanco. Pendant l'interview. Comment vous avez travaillé? Comment vous vous êtes partagé? Parce que écrire à 80, c'est pas forcément facile. C'était quoi votre méthode de travail? C'était à toi, François, le factuel, à moi, le judiciaire, ça paraît logique, ou est-ce que ça s'est mélangé? Comment vous avez confectionné cet objet, ce livre? Alors, qui sort demain? Il y a eu déjà un premier travail à 4 mains, effectivement, d'accord sur l'histoire, sur le scénario qu'on voulait mettre en place. Qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut raconter. Voilà, c'est ça. Ensuite, moi, par mes propres sources, j'ai donc récupéré le dossier judiciaire que j'ai analysé et que j'ai décrypté. Et j'ai aussi fait un gros travail de recherche des supports médias de l'époque, de la couverture médiatique de l'époque. Et ensuite, l'idée, c'était que Patrice me livre, dans le cadre d'entretiens, de longs entretiens, ses impressions. Et très vite, dans le projet de la bande dessinée, Daniel Blanco est intervenu en co-scénariste. Donc, c'était un travail non plus à quatre mains, mais à six mains. Et lui a vraiment mis sa patte et dans le dessin, mais aussi dans le scénario, parce que l'homme du métier, c'est lui. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous de ne pas l'oublier. Et donc, c'est à six mains ensuite qu'on est parti dans l'aventure. Bien, je vais vous annoncer une concurrence, messieurs. Donc, votre BD sort demain et demain, dans toutes les bonnes librairies, vous pourrez acheter le deuxième livre issu de l'émission Affaires Sensibles. Ça sort demain également, très chez bien. Robert Laffont. Ça s'appelle Affaires Sensibles, Terrorisme, l'impasse des armes. Pardon pour la concurrence. Merci pour votre présence. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire des paillotes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le livre Gomorrah et toutes ses conséquences. D'abord pour son auteur, Roberto Saviano. Bonjour Vincent Josse. Bonjour Fabrice, est-ce que je pourrais avoir un exemplaire dédicacé? Oui bien sûr, d'une bande dessinée et d'un livre issu d'Affaires Sensibles, les deux, vous aurez les deux. Moi je veux toute Fabrice Drouel. Bien, au menu. Au menu, un violoniste en cuir noir, avec des grands cheveux, des cheveux longs, c'est un grand violoniste qui s'appelle Nemanja Radulovic qui est avec nous aujourd'hui. Merci Vincent Josse, à tout à l'heure.